Yeah, too deep, Gaddafi army, mess, FLX, too deep, let's push some pain out, shot locked, every single motherfucking rhyme out, mentally time out, leave the stress at the microphone, no friends if you can't trust all these faking clones. Fuck fame if it's killing our roots. Homie, life is a bitch. Get rich and your steps shoot. Everybody's bleeding, poison breathing. Politicians bring the evil in succeeding. Watch me rise when I spit these words. I'm a self-made warrior, die with medical hurts. You can talk about ghetto and crime. Five shots, dog life, but the war is mine. Every day I can't feel the pain scratching me. I see my people suicided by bullets. It's crashing me, trashing me. But now I fly like a bird, my brother. Représentant de la galère, même si on n'en a pas l'air, on vient représenter notre coin, donc lève ton poing en l'air. Les rageux on les emplaire, les putes on les emmerde, et on fume les faux MC jusqu'à ce qu'ils niquent leur mère. Représentant de la galère, même si on n'en a pas l'air, on vient représenter notre coin, donc lève ton poing en l'air. Les rageux on les emplaire, les putes on les emmerde, tout type et Kadhafi Army c'est nique sa mère. Fils d'ouvrier, on plie que pour prier, nos chaînes on a brisé, on est né pour briller. Ce qu'il faut pas oublier, c'est pieds et poings liés, on emmerde le taulier, quitte à se faire spolier. Oh yeah, fais pas ta pute, joue ma cassette. Les faux MCs, on les schlasse à la hachette. En main HF, trop souvent HS. Tu joues les chefs, mais en secret, mon ce que tu lâches. Sors de ta cachette, on a l'artillerie allemande. Tout type de Kadhafi Army pour te mettre à l'amende. On a le mort salement, contrôlé mentalement. La zik, mon médicament, spliff en guise de calmant. Zlatan, Adnan et Miredino, c'est la Bosnie. Mike, pas du son de Mino. Oups, stress Nino, on s'en bat du million. Poète du bitume, on fume les scribouillards du lino. Représentant de la galère, même si on n'en a pas l'air, on vient représenter notre coin, donc lève ton poing en l'air. Les rageux on les emplaire, les putes on les emmerde, et on fume les faux MC jusqu'à ce qu'ils niquent leur mère. Représentant de la galère, même si on n'en a pas l'air, on vient représenter notre coin, donc lève ton poing en l'air. Les rageux on les emplaire, les putes on les emmerde, tout type et Kadhafi Army c'est nique sa mère. Mes textes vrais, une feuille, un crayon, et je suis prêt pour chaque trait que tu vois sur mon front. Je chaque trait tout ce que j'ai dans le fond. Haine de cesse, les mecs stressent. Je déclenche la avalanche, fais gaffe, je blesse. Un flow hyper pendu qui te met un coup de presse. Ça risque d'être tendu, prépare tes fesses. Kadhafi Army, tout deep, c'est du lourd. Ah, tous mes potos ce sont, je le fais pour. On a tous les gros, on est tous accros. En français, en allemand, ça pose au micro. Clic, clic, bras, ce beat me rend dingue. Mes decks sont des balles que je charge dans mon flingue. Vite ma souffrance de mon inconscient. Juste un narcotique, peur de haine et violence. Représentant de la galère, même si on n'en a pas l'air, on vient représenter notre coin, donc lève ton poing en l'air. Les rageux on les emplaire, les putes on les emmerde, et on fume les faux MC jusqu'à ce qu'ils niquent leur mère. Représentant de la galère, même si on n'en a pas l'air, on vient représenter notre coin, donc lève ton poing en l'air. Les rageux on les emplaire, les putes on les emmerde, tout type et Kadhafi Army c'est nique sa mère.